Alors pour finir, je vais revenir sur en fait les commentaires de fin de questionnaire, donc qu'on a traité de façon plus qualitative, enfin sur 4 400 personnes, mais tout le monde n'en a pas écrit. Mais quand même, il y avait beaucoup de choses. Enfin, on a senti là aussi, comme dans le volume des réponses, dès l'ouverture, dès le lancement du questionnaire, qu'il y avait un besoin, enfin en tout cas qu'il y avait une envie de s'exprimer. Et donc très souvent, les répondants, en fin de questionnaire, ont voulu repréciser les choses, c'est-à-dire, bon là, j'ai répondu à toutes les questions, je ne rentre pas forcément dans toutes les cases, je voudrais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc ils refont souvent l'ensemble de leur trajectoire précaire. Donc j'ai eu ça pendant 3 mois, après il s'est passé ça, après il s'est passé ça. Donc on a eu plein de reconstitutions comme ça individuelles, et de toute façon, c'était l'enjeu de ce questionnaire-là aussi, et c'est aussi en cela qu'il apporte des informations complémentaires par rapport à des comptabilités plus institutionnelles, c'est qui permet de retracer quand même, même si on n'a pas les trajectoires en amont de l'enseignement supérieur et la recherche, on a des biographies en fait, quand on regarde comment les choses se répartissent dans le temps. Ce qui est ressorti très fortement dans ces commentaires de fin de questionnaire, c'est un apparent paradoxe entre l'envie de continuer et l'envie de partir, qui ressort très très fortement. Donc on constate que la majorité des répondants répondent non quand on leur demande s'ils ont confiance dans la possibilité d'avoir un poste durable à terme. Et en même temps, une très très grande majorité, plus de 70% d'entre eux, dit vouloir rester dans l'enseignement supérieur et la recherche publique. Donc il y a un taux de confiance comme ça très très bas dans les possibilités, l'amélioration matérielle du maintien dans le métier, et en même temps, et ce tout métier confondu, y compris dans les fonctions administratives, une envie de rester. En fait, ce paradoxe se résout d'une double façon. D'abord, ce qu'il résout notamment au niveau des chercheurs, qu'ils soient doctorants ou docteurs, c'est le mot passion qui est revenu très très très souvent dans les commentaires. Une passion désespérée, et je le dis sans misérabilisme, c'est vrai, enfin, c'est comme ça que ça ressort dans les commentaires, avec cette idée, cette mise en exergue d'une souffrance de mettre autant d'énergie dans quelque chose qui plaît autant pour si peu de reconnaissance et si peu de confiance dans l'avenir, si peu de possibilités de se maintenir dans ce qui plaît vraiment. Aussi un désespoir qui est nourri par la perspective, enfin la tendance que prend la recherche et l'enseignement supérieur, cette idée que désormais c'est pas forcément la connaissance, ça l'a pas toujours été non plus, mais qu'il y a une logique économique qui prévaut à tout ça et qui sape pas mal le moral des répondants. Cette chose-là, cette passion-là, donc qui est aussi très fortement exploitée, qui ressort aussi dans les commentaires sur les abus de la part des supérieurs hiérarchiques. Enfin, dès qu'on fait pas ce qu'il faut, on est suspecté de pas être assez passionné. Enfin, c'est aussi un ressort d'exploitation par tout le monde, par l'institution et certains de ces acteurs au quotidien. Et ce qui résout aussi ce faux paradoxe de j'aurais pas les moyens de rester, mais j'ai envie de rester, et qui là touche tous les métiers et pas seulement les chercheurs. C'est cette idée que ça fait quand même un moment, très souvent, on l'a vu pour les docteurs, mais c'est le cas pour beaucoup des répondants, la majorité d'entre eux. Ça fait un moment qu'on est dans ce régime de précarité. On a fourni des efforts, et là, quitter le navire après tout ce temps passé, c'est compliqué. C'est-à-dire quitter le navire, c'est quitter la passion, c'est quitter l'envie, c'est tout ça. Et puis c'est aussi quand même mettre un trait sur des années en fait de vie, et les gens qui ont fait des efforts pour faire tourner un service, monter un fonds de bibliothèque, construire un projet de recherche. Voilà, ils ont du mal à lâcher aussi par rapport à ça. Alors, pour autant, une partie, et ceux qui ont les ressources de le faire aussi, ont comme perspective de partir soit dans le privé, soit à l'étranger. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est ressorti aussi et de façon significative. Mais on sent bien aussi dans pas mal des réponses que la perspective de partir, c'est aussi une perspective à terme, une espèce d'alternative un peu fictive que les gens se racontent pour continuer justement, pour ne pas partir, enfin pour rester, avec cette idée que la précarité s'arrêtera un jour, et que de parler du départ à l'étranger ou dans un autre secteur d'activité, c'est aussi une façon juste de se projeter dans la fin de la précarité pour pouvoir pas s'y maintenir, mais se maintenir dans le métier. Alors, en lien avec ce constat-là, les répondants ont formulé des revendications. Donc, ce que je vais vous dire là, ce n'est pas nos revendications à nous, mais c'est les revendications des gens qui ont répondu au questionnaire. Elles sont de deux ordres, et il faut vraiment les comprendre l'une avec l'autre, parce qu'elles sont formulées très majoritairement de façon associée. ce qui a été mis en lumière quand même très souvent, c'est que être précaire, c'est dur, et être précaire dans l'enseignement supérieur et la recherche publique, donc pour l'État, c'est encore pire, parce qu'il n'y a pas de prime de précarité, parce que les CDD peuvent s'accumuler pendant des périodes de temps beaucoup plus longues que dans le privé, parce que l'indemnisation, particulièrement à l'université, elle ne se fait pas par les ACEDIC, elle se fait par l'université. Alors je sais que c'est en train de changer, mais du coup les délais d'indemnisation sont très très longs, ça peut prendre 4 mois, surtout si ça tombe pendant l'été. Que par exemple, on n'en a pas parlé en détail, mais la précarité est particulièrement forte à l'université et particulièrement dans les emplois administratifs, parce que les gens sont très souvent recrutés sur des contrats de 10 mois, donc on coupe les vivres pendant les 2 mois d'été, bon, pour des logiques aussi juridiques, qui font que les gens sont payés sur une année, en fait sur 10 mois, et on les retrouve à la rentrée en septembre, et ils rempilent, et puis au bout de 6 ans, on leur dit bah, maintenant c'est terminé, dehors, parce qu'en fait, légalement, c'est pas possible de continuer au-delà de 6 ans d'embaucher les gens sur des CDD, sauf à pérenniser leur poste. Et bon, comme ça n'arrive pas, voilà, les gens sont éjectés à ce moment-là. Donc ce qui ressort fortement comme revendication, c'est une amélioration de la précarité, c'est-à-dire une précarité moins injuste. Et ça, c'est important à entendre en termes de revendication d'urgence, c'est-à-dire ce qui est le corollaire de cette revendication-là, c'est la création de postes. Et c'est pour ça qu'il faut entendre les deux, c'est-à-dire on ne veut pas juste une précarité mieux organisée, mais on veut quand même que ça soit un tout petit peu moins pénible et que ça ne soit pas pire que partout ailleurs. Et en même temps, il faut entendre cette revendication comme liée, et elle l'est dans l'écrasante majorité des cas, avec la demande de la titularisation des précaires de longue durée et de la création de postes statutaires, d'autant plus, et c'est très fortement perçu comme ça, par les gens qui sont là depuis longtemps et qui disent « mais c'est dingue, on m'embauche à chaque fois, donc ça doit vouloir dire que je ne suis pas si nulle, puisque quand même on me donne du boulot et on me donne des fonctions qui pourraient être assurées par un titulaire. On me fait faire le même boulot pendant des contrats successifs, et ça ne donne lieu à rien en termes de pérennisation de mon statut. Donc il y a un problème par rapport à ça. » Ce qui justifie à titre individuel aussi la nécessité de cette création de cette ouverture des postes. Du coup, ce qui revient et ce qui est en réponse avec les dénonciations en termes d'abus de pouvoir, ce qui revient beaucoup dans ces commentaires de fin de questionnaire, c'est la nécessité que les statutaires se mobilisent, que la mobilisation des précaires, et ça de toute façon on en a fait l'expérience forte au niveau du site Poucher, la mobilisation sur la distance quand on est payé, enfin voilà, quand on court après les contrats et qu'on est payé comme ça au lance-pierre et qu'on ne sait pas ce qu'on devient dans 3 mois, c'est compliqué. Enfin, quand on est pris dans sa survie à soi, on peut pas, et qu'en plus on est dans une concurrence encore plus forte que les titulaires, parce qu'il faut notamment pour les chercheurs assurer un CV quand même toujours à la pointe, la mobilisation elle est compliquée, ça prend toujours du temps, c'est toujours dur de se mobiliser, mais c'est beaucoup plus dur quand on est dans ces non-statuts là et ça ressort beaucoup dans les discours des précaires, cette idée que les statutaires doivent se mobiliser au quotidien pour être vigilants à ce que les précaires soient pas pénalisés, à ce qu'ils tombent pas dans l'oubli, dans le non-dit, dans la honte, qu'on dise bonjour aux gens et pas juste qu'on les évite parce que ça nous arrange pas de voir qu'il y a des gens qui ont pas de statut, enfin voilà, qu'il y a une vigilance au quotidien qui est nécessaire et au niveau un niveau politique de lutte qui est une mobilisation solidaire. Voilà, donc je pense que maintenant on peut discuter de tout ça. Une dernière chose avant la discussion, quand même, on est là tous les deux, donc en fait on est plein derrière, on est une armée de sociologues. Non, mais c'est important quand même de nommer les gens qui ont travaillé là-dessus. Donc il y a aussi Annick Kiefer, Charles-Antoine Arnaud, Christine Roland-Lévy, Mathieu Elie et Florence Audier qui ont, voilà, on a tous ensemble contribué à l'établissement de cette enquête et à son exploitation, après bien sûr le travail fait par le comité de précaires de Poucher. Je vous remercie.